M'éveillant au matin, j'ai le teint qui est bien fadasse. Des cernes jusqu'au cou, j'ose même plus me regarder dans la glace. C'est sûr, je tiens en place, j'ai du plomb sous les godasses. Le cerveau qui est mollasse, qui a trop trempé dans la vinasse. Alors que j'arrive devant la porte du Tout-Puissant, je prends mon ticket à l'accueil en bas, ils doivent commencer leur deuil. Je prends place dans la file et j'attends patiemment. Mais quand arrive mon tour, la porte refuse de s'ouvrir obstinément. Oh, tu n'iras pas au paradis. Oh, tous les guichets sont fermés aujourd'hui. Oh, tu ne rejoindras pas les étoiles du firmament pour le moment. Allez, sous-camp. Depuis que là-haut ils sont informatisés, c'est toujours le bordel, ils ont dû perdre mon dossier. Y'a même des vivants qui se demandent ce qu'ils foutent là. Je vous jure que je suis pas mort, je vous jure que c'est pas moi. Alors ainsi perdu dans les limbes de la bureaucratie, on se demande s'il faut vraiment croire au paradis. On comprend mieux comment Dieu a fait l'homme à son image. Il a écrit sur la table au lieu de tourner la page. Oh, tu n'iras pas au paradis. Oh, tous les guichets sont fermés aujourd'hui. Oh, tu ne rejoindras pas les étoiles du firmament pour le moment. Allez, sous-camp. Tout compte fait, je me dis qu'on n'est pas si mal sur terre. J'ai encore quelques copains qui sont pas en enfer. Même s'il y a peu de chances que je finisse centenaire, je veux claquer tous mes sous avant de passer 6 pieds sous terre. Et puis y'a ma petite femme que je peux pas laisser tomber. Je veux pas lui faire de peine, je veux pas la faire pleurer. Au risque de heurter sa sensibilité, j'aimerais bien lui faire un petit bébé avant de crever. Oh, tu n'iras pas au paradis. Oh, tous les guichets sont fermés aujourd'hui. Oh, tu ne rejoindras pas les étoiles du firmament pour le moment. Allez, sous-camp. Plus malin que les humains, que j'ai toutes les chances d'être élu dans la hiérarchie des tordus. J'aimerais profiter s'il me reste un peu de temps, comme disait Coluche, j'aimerais bien mourir de mon vivant. Voilà toute l'histoire de mon passage devant Saint-Pierre, que j'ai jamais rencontré, il faisait un golf avec Lucifer. Voilà l'avantage que d'être mort un jour férié, tout le monde profite de ces week-ends prolongés. Oh, tu n'iras pas au paradis. Oh, tous les guichets sont fermés aujourd'hui. Oh, tu ne rejoindras pas les étoiles du firmament pour le moment. Allez, sous-camp. Oh, tu n'iras pas au paradis. Oh, tous les guichets sont fermés aujourd'hui. Les voix du Seigneur sont à pénétrer. Tu ne rejoindras pas les étoiles du firmament pour le moment. Allez, dégage.